Chapitre 42e. Les longs devoirs écrits dont on accable trop souvent les enfants n'entraient pas dans le système d'éducation adopté par Clémence avec Denise. Mais le lendemain de cette soirée, elle fit une exception à cette règle, et à 7 heures du matin, elle donna à son élève une narration qui devait prendre à celle-ci au moins 2 heures de travail. Quand Denise fut courbée sur son papier blanc, Clémence descendit au rez-de-chaussée. Elle avait vu le marquis monter à cheval et prendre le chemin de la forêt. Il était donc très probable qu'il ne rentrerait pas avant 2 ou 3 heures. Mais ce n'était pas à lui qu'elle avait affaire, c'était à son valet de chambre, Valérie, ou plus justement, comme on disait rudement, Monsieur Valérie. C'était une sorte de personnage que Monsieur Valérie. Depuis 20 ans, il était attaché à la personne du marquis. Après l'avoir servi au temps de sa gloire, il avait daigné le suivre dans la retraite par pure affection, disait-il en parlant de lui-même, parce qu'il était un homme de cœur, de sorte que quand son cœur était pris, il ne raisonnait plus. Sans cela, serait-il jamais venu au fond des bois, à Rudemont, dans un pays sauvage, lui qui jusqu'alors avait vécu dans le meilleur monde? Il y avait du vrai dans cette affection du valet pour le maître. Valérie, en effet, était dévouée au marquis. Assurément, il ne se serait pas jeté à l'eau pour lui sauver la vie. Mais enfin, il ne le volait pas, et il ne parlait jamais de lui qu'avec un certain respect. Cependant, ce n'était pas la seule raison qui, malgré son aversion et son mépris pour la campagne, l'avait amené à Rudemont. Une autre toute-puissante et absolument personnelle avait fait ce miracle. M. Valéry avait été gratifié par la nature d'une barbe noire vraiment superbe, et le marquis, bien que généralement rigoureux dans les choses de tenue et d'étiquette, lui avait permis de la porter tout entière. Incapable de travailler et d'exercer une autre profession que celle de valet de chambre, Valérie s'était trouvée fort embarrassée au moment de venir à Rudemont. S'il n'acceptait pas cet exil, où trouverait-il une maison respectable dans laquelle on lui permettrait de conserver la barbe? Il faudrait promener dans cette barbe un rasoir sacrilège et perdre ainsi son plus bel avantage, celui qui lui avait valu tant de conquêtes. L'amour de la barbe l'avait emporté sur le mépris de la campagne. Elle avait consenti à ne pas priver le marquis de ses soins et de ses services. Naturellement, le sacrifice considérable qu'il avait fait à cette barbe la lui avait rendue plus chère et plus précieuse encore. À la façon dont il la portait, la tête légèrement renversée en arrière, on devinait, au premier coup d'œil, tout le respect qu'il avait pour elle, et où ce spectacle était vraiment admirable, c'était lorsqu'il sortait pour s'aller promener, s'aller montrer, dans le village. Pour ses promenades, il s'habillait. C'est-à-dire qu'il quittait l'habit noir et la cravate blanche. Coiffé d'un feutre gris, vêtu d'une jaquette marron, d'un gilet blanc, d'un pantalon jaune, cravaté de bleu azur, ganté de gants gris perles, il s'avança petits pas vers le café français, soulevant derrière lui un murmure d'admiration parmi les femmes et les jeunes filles qui abandonnaient leur métier à dentelle pour le suivre des yeux. Clémence le trouva dans le parloir, assis dans un fauteuil, surveillant 2 gens de service qui faisaient l'appartement du marquis. Car pour lui, il ne s'occupait jamais de ses grossiers ouvrages, jamais il n'avait rempli une carafe de ses propres mains, jamais il n'avait touché à une lampe que pour la porter sur une table ou pour en régler la lumière. En voyant entrer l'institutrice, il posa sur ses genoux le journal qu'il était en train de parcourir d'un œil distrait. « Monsieur le marquis est sorti, » dit-il. « Ce n'est point à monsieur le marquis que j'ai affaire, mais à vous. Pouvez-vous me donner quelques minutes ?» Depuis l'arrivée de Clémence à Rudemont, il l'avait prise sous sa protection. Il lui était reconnaissant des égards qu'elle avait pour lui et de la façon polie dont elle lui adressait toujours la parole. En entendant cette demande, il se leva vivement. « Je suis à vos ordres. Vous plairait-il que nous passassions dans la bibliothèque ?» Il savait parler à chacun sa langue et, en s'adressant à une institutrice, montrait qu'il n'était point un ignorant. Si elle n'était pas contente, c'est qu'alors elle serait trop difficile. Elle sourit. Il fut enchanté, il se comprenait. Il n'avait point attendu jusqu'à ce jour d'ailleurs pour soutenir que c'était une femme intelligente, une personne en un mot qui était comme institutrice ce que lui était comme valet de chambre, tout à fait extraordinaire. Clémence passa dans la bibliothèque et cérémonieusement, elle s'assit sur le fauteuil que Valérie lui avança avec une lenteur majestueuse qui eût été remarquée à la Comédie française. « C'est un service que j'ai à vous demander, » dit-elle. « J'ai eu l'honneur de vous dire que j'étais à vos ordres, je le répète, pour que cela soit bien entendu maintenant et toujours. « La chose dont j'ai à vous entretenir, » continua Clémence, « est délicate. Elle exige, pour être menée à fin, De l'adresse et de la discrétion. Voilà pourquoi j'ai songé à vous dans mon embarras. L'adresse, il est inutile d'en parler. Je sais que personne mieux que vous n'est en état de faire réussir ce que je désire. Mais pour la discrétion, je suis obligé de vous demander franchement si vous me promettez la vôtre. Valérie réfléchit un moment, car ce n'était pas un homme à s'engager à la légère. Sans doute la façon dont l'institutrice lui parlait le disposait à accorder tout ce qu'elle pouvait désirer. Mais cependant, comme c'était chose grave que ce secret qu'elle exigeait, il ne voulait pas donner une parole qu'il serait peut-être obligé de reprendre. « Si ce que vous demandez n'est pas professionnel, dit-il enfin, d'avance, ma discrétion vous est acquise. Mais si cela touche au devoir de ma charge, vous comprenez que je ne puis prendre qu'un engagement sous condition. Assurément. Aussi, dans ces termes, je n'hésite pas à m'ouvrir à vous, bien assuré que mon secret sera fidèlement gardé. Voici ce dont il s'agit. J'aurai besoin, ce soir, à 11 heures, de trouver une voiture attelée d'un très bon cheval, dans la côte au-dessous de l'esplanade. Il faudrait que ce cheval fût en état de faire 4 lieues en 1 heure. « Vous voulez partir ?» s'écria le valet de chambre. « J'ai une course à faire cette nuit, de laquelle dépend l'honneur d'une femme. À 4 heures du matin, je serai de retour. Mais comme je ne pourrai parler de cette course à monsieur le marquis sans entrer dans certaines explications que je ne dois pas donner, voilà pourquoi je suis obligé de lui cacher mon absence, et voilà pourquoi aussi je m'adresse à vous. Je ne sais où chercher cette voiture. Je ne pourrai le faire qu'en éveillant une curiosité dangereuse. Tandis que vous, vous pouvez, si vous y consentez, me rendre ce service. Personne ne trouvera bizarre que vous ayez besoin d'une voiture rapide pour faire une promenade nocturne. » Valérie daigna sourire en entendant ces derniers mots, qui avaient bien l'air d'être une allusion spirituelle à ses succès nocturnes. Évidemment, cette institutrice était bien fine et bien intelligente. « Vous aurez votre cheval et votre voiture, dit-il, je m'en charge. Et quand je me charge d'une chose, c'est comme si elle était faite. « Combien je vous suis reconnaissante, s'écria-t-elle. Plus tard, vous saurez la vérité quand je pourrai tout dire. « C'est inutile, dit-il avec un sourire et en claquant des doigts. Aujourd'hui comme plus tard, c'est inutile. » Et quand Clémence l'eut quitté, il pirouetta sur un talon, gaiement, légèrement. Assurément, il était inutile qu'elle lui confesse la vérité, car il l'avait parfaitement devinée. Cette femme dont l'honneur était menacé, c'était elle, Madame Clémence. Cette course qu'elle voulait faire, c'était tout simplement pour se rendre à la station et prendre l'express de nuit. Voilà pourquoi elle demandait un cheval en état de faire 4 lieues à l'heure. Si elle était intelligente, il n'était pas lui-même une bête. Il savait calculer les heures et les distances, rapprocher plusieurs faits en apparence étrangers l'un à l'autre, les grouper et en tirer des conséquences logiques. Ce qu'il avait vu la veille dans cette même bibliothèque était maintenant pour lui parfaitement explicable. Le marquis s'était montré trop pressant et l'institutrice aux abois avait sonné. De cela, il était aussi sûr que s'il l'avait vu. C'était ainsi bien certainement que les choses s'étaient passées. Maintenant, l'institutrice, ne se sentant plus en sûreté, voulait abandonner rudement et se sauver à Paris. De là sa demande de voiture, de là sa prière d'être discret. Et il prêterait les mains à cela, lui, Valérie. « Allons donc. » Il se mettrait à travers les projets de son maître pour l'empêcher d'avoir une maîtresse. Véritablement, cela était impossible. Sans doute, si cette maîtresse avait été vieille ou laide ou même rousse, il n'avait jamais compris les femmes rousses, il aurait pu à la rigueur fermer les yeux à la lumière et, feignant de ne pas comprendre ce qu'on lui demandait, prêter les mains à cette fuite. Car enfin, il n'était pas agréable pour un homme dans sa position de voir son malheureux maître sous la domination d'une femme qui vous déplaît. Mais ce n'était pas là le cas. Elle n'était pas vieille, cette petite femme, elle n'était pas laide, elle n'était pas rousse, elle ne lui déplaisait nullement, bien au contraire. Il approuvait le goût du marquis. Assurément, pour lui, il aurait voulu moins petite, plus imposante et plus digne. Mais tout le monde n'avait pas le droit d'être aussi difficile que lui. Et pour un homme de l'âge du marquis, elle était vraiment très suffisante. Il lui en avait connu de moins bien quand le marquis n'avait que 25 ans. Il était vraiment ridicule que son maître, à lui, Valérie, n'eût pas de maîtresse. Autant il avait été fier autrefois de ses conquêtes, autant maintenant il était humilié du repos honteux dans lequel il vivait. À son âge, l'existence d'un vieillard, quand cet horrible carquebu, qu'il détestait et méprisait, faisait encore parler de lui à 10 lieues à la ronde. Enfin, cet état d'humiliation allait cesser. il allait pouvoir relever la tête et rentrer en activité après avoir été trop longtemps maintenu dans la réserve. Sa véritable vocation en ce monde était de mettre son intelligence au service d'un homme à bonne fortune. Et, dans ces conditions, inespérées, il laisserait échapper l'occasion qui se présentait. Cela était impossible. Il ne fallait pas que l'institutrice partît. Il lui avait, il est vrai, promis le secret. Mais en prenant cet engagement, il a vu la sagacité de faire une restriction pour le cas où sa responsabilité professionnelle se trouverait engagée. Or, ne l'était-elle pas? Et les devoirs de sa profession ne l'obligeaient-ils pas à servir les desseins de son maître au lieu de les entraver? Il n'avait donc qu'une chose à faire dans les circonstances délicates qui se présentaient, prévenir son maître et lui dire tout ce qu'il avait appris. À celui-ci d'aviser. Ce fut dans ces dispositions qu'il attendit impatiemment son retour.